Chapitre 4. Dans la nuit silencieuse, la vieille Lidza pressait le pas, se dirigeant vers l'isquaire où l'attendait l'insurgé. Elle était très agitée et perplexe, n'ayant osé demander du secours au moine qui l'avait reçu, en lieu et place du bon prieur. Après avoir monté sur le haut bord de la falaise, elle s'engagea dans la gorge, suivant un sentier qui serpentait tout le long du chemin. La nuit étoilée lui permit de distinguer, sur la rive opposée, les roches abruptes qui se dressaient, sombres en plein jour, et pleines de mystérieuses épouvantes à cette heure. L'âme remplie de crainte et les yeux pleins de visions lugubres, tout devant elle prenait un aspect menaçant. Et arrivée au sommet, elle se laissa tomber, épuisée, sur la terre froide, sous un gros orme. Tous les êtres vivants qui peuplent les montagnes étaient endormis. Le calme agreste de la nature sauvage était imposant, et seul le fleuve écumait sourdement dans la profondeur que surplombaient les murailles et les toitures du monastère plongées dans l'obscurité. De loin, du côté de l'Outy Broad, des chiens aboyaient. La vieille femme se releva, mais craignant de s'aventurer dans le village, elle contourna à droite la pente du rocher et prit un raccourci. Elle arriva bientôt au bord de l'isqueur. La barque se balançait sur la rive. Frappant doucement à la cabane où couchait d'habitude le batelier, elle attendit un instant, mais personne ne répondit. Sans doute il avait eu peur d'y rester la nuit. Effrayée et inquiète, elle ne savait que faire et s'approcha de la barque. L'isqueur bouillonnait furieusement, et malgré l'obscurité, elle put distinguer le miroitement des flots tumultueux. Une terreur folle s'empara d'elle. Que faire? Fallait-il rester là jusqu'au matin? Elle ne voulut même pas admettre cette pensée, bien que les chants des coqs annonçaient l'aurore prochaine. Que faire alors? Pouvait-elle s'aventurer toute seule sur les flots? Elle avait souvent vu manier l'aviron, mais c'était une chose aventureuse, pleine de dangers. Pourtant, elle n'avait pas le choix si elle voulait retrouver l'insurgé qui l'attendait là-bas, mourant de faim et d'inquiétude. Ilidza déposa l'enfant sur le sable. En ce moment suprême, elle ne pensait plus à lui, tout à sa préoccupation. Et se penchant vivement, elle essaya de détacher la chaîne qui retenait la barque au piquet. Un tremblement la saisit. La chaîne n'était pas attachée, mais accrochée et fermée avec un gros cadenas. C'était évidemment l'œuvre des Turcs pour empêcher toute tentative d'une traversée clandestine. Tremblante, elle restait immobile, le cœur plein d'alarme. Le chant des coqs se multipliait à l'Outy Broad. Le ciel commençait à grisailler. Dans une heure, il allait faire jour. Elle eut un sanglot de désespoir. Décuplant ses forces, elle tenta de briser le cadenas ou de rompre la chaîne, mais rien ne céda. Excitée, essoufflée, elle se raidit désespérément. Puis, se baissant pour la troisième fois, elle saisit à pleine main le piquet et s'efforça de le déraciner. Mais profondément enfoncé, il restait inébranlable. Redoublant, centuplant ses efforts, ses bras brûlés par le soleil se raidirent. Les muscles se tendirent et devinrent d'acier. Ses os craquaient et une sueur froide ruisselait sur son visage douloureux. Haletante, à bout de force, ployant comme sous le fardeau d'une charge de bois, elle reprit haleine un instant, puis, avec une énergie nouvelle et dans un suprême effort, elle essaya de tirailler le piquet dans tous les sens pour l'arracher. Sa poitrine éclatait, et les pieds s'enfonçaient jusqu'aux chevilles dans le sable mouillé. Après une demi-heure d'effort surhumain, le piquet s'ébranla et la terre s'effrita tout autour. Une dernière secousse, elle réussit enfin à arracher le pieu du sol. La chaîne eut un bruissement sourd dans le silence de la nuit, et avec un soupir de soulagement, Ilidza se laissa tomber, épuisée, sur le sable. Au bout de quelques instants, la barque voguait sur les flots noirs, emportant la vieille Ilidza avec son enfant, la chaîne et son piquet.